aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Oh, comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5, et ça faisait longtemps. Aujourd'hui je suis avec Victor, bonjour Victor. Bonjour Jade. Et je suis aussi avec Amaury, bonjour Amaury. Salut. Et bonne année à vous, dis donc, c'est la bonne année, on ne sait pas encore. Bonne année. Bonne année. Happy bonne New Year. J'ai Happy Birthday en tête moi, donc ça ne marche pas. Bah, bonne santé et plein de bonnes choses, et plein d'amour, et plein de réussite. Et comment plein ça de bons films. On espère, on croise les doigts. Mais toi, tu vas être ravi parce qu'il y a beaucoup de Marvel et de DC. C'est oh bah génial. Moi, Dit. comment se passe ce début d'année pour vous? Parce qu'on est déjà le 23 janvier à l'heure où on enregistre. Bah moi, j'ai vu d'excellents films au cinéma. Des films chinois d'ailleurs dont on pourra parler. Comme par hasard, on parlerait pas de films chinois aujourd'hui. Bah, dis donc, mais de quoi? Est-ce que les gens l'auraient pas déjà lu dans le titre de l'épisode? C'est incroyable. Et toi, Amaury, ton début d'année? Bah, elle commençait bien avec L'Adieu, hein, dont on va parler aujourd'hui. Oui, c'était le premier film que j'ai vu de 2020. Et Mais on parle de L'Adieu aujourd'hui? Mais waouh, c'est fou. Voilà. Moi, vous serez ravis d'apprendre que j'ai enfin vu avec Eve. Star Wars 9. Ah, la pauvre. La désillusion, hein, non c'est... On dirait une fanfic pas relue qu'ils ont fait en film. Attends, je vais t'apprendre un truc. Il y a des bonnes choses et il y a des choses... La première phrase du... Tu sais, le texte qui les déroule... Les morts parlent. Première phrase, c'est j'ai ça, hein. Hurlé de rire. Bref. C'est pas le sujet de l'émission. On en reparlera peut-être dans le rattrapage, parce que comme on doit rattraper décembre aussi... Voilà, bref, très bon début d'année, rempli de rire au cinéma, et de tristesse aussi, parce que, vous l'aurez compris, on parle de l'adieu aujourd'hui, et c'est pas que de la joie. Je suis bidonné, perso. Il y a des moments rigolos, n'empêche, en vrai, on va en parler. J'espère que vous, chez vous, vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42, parce qu'aujourd'hui, on va parler, vous l'avez compris, de revoir, de grand-mère, et de tout plein de différents cinémas chinois. Aujourd'hui, on parle de l'adieu. What's wrong, Dad? Please tell me. Manette is dying. She doesn't know, so you can't say anything. The family thinks it's better not to tell her. Why is that better? Chinese people have saying, when people get cancer, they die. We have to go to China. Wedding is an excuse so everyone can see her. He's my only cousin. Don't you think I should be there? You can't hide your emotions. If you go, Manette will find out right away. Really? 咋啦？咋不说话呢？ 今天人多齐呀，好久没这么聚了。奶奶就等着这一天呢。来，大口咬。哇，哈哈哈哈！ 你觉得我们应该告诉奶奶吗？ 太痛苦了吧？ 如果她想说再见呢？ 你告诉她就毁了她美好的心情。你说对吧？ 搭到他的肩膀上。 那时候我都怀疑我也不在，他俩在卧室能干啥？ Alors l'adieu, the farewell, et en chinois, je ne vais pas faire l'affront d'essayer de le prononcer, mais ça se traduit en ne lui dites pas, le titre chinois, il me semble. Réalisé par Lulu Wang en langue anglaise et en mandarin, avec Awkwafina dans le rôle principal de Billy, avec Sima dans le rôle du père, Diana Lin dans le rôle de la mère, et attention, désolé, je vais certainement prononcer beaucoup de noms très mal, Chao Shushen dans le rôle de Nai Nai, la grand-mère. Qu'est-ce que ça raconte, l'adieu, Victor? Est-ce que tu nous ferais pas un petit synopsis? Synopsis, ok, ben, c'est Billy, qui est une jeune américaine qui... Bah en fait, qui apprend du jour au lendemain que sa grand-mère est sur le point de mourir. Mmh. Que sa famille, en fait, selon une tradition, enfin selon... Il décide en fait de ne pas révéler à la grand-mère qu'elle va décéder, qu'elle va pour éviter la souffrance et le fait de se rendre compte qu'elle va bientôt ne plus être de ce monde. Donc du coup, histoire de lui dire adieu... plus ou moins, Ils vont, toute la famille se réunit autour de cette grand-mère pour bah, en fait faire un faux mariage. Pour faire un faux mariage, en fait, juste se réunir autour Ouais, d'elle, le l'avoir une mariage, dernière c'est fois juste le sous. prétexte en fait. Voilà. Et Billy, elle, qui est au centre du film, va se poser des questions sur sa double nationalité pour savoir si elle est. Pour savoir. Les différences culturelles, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui compte selon les pays et tout ça. Ouais, surtout qu'elle se sent mal en Amérique parce qu'elle trouve pas. Enfin, genre. Bon, on y reviendra, mais elle trouve pas vraiment sa place là-bas, alors que dès qu'elle arrive en Chine, bah, elle est heureuse avec sa grand-mère, qu'elle aime plus que tout au monde, et du coup elle se sent un peu, bah, elle se sent chez elle, quoi, normal. Et à savoir aussi que c'est un truc que je savais pas du tout, mais apparemment c'est dans la culture là-bas, enfin ça se fait, c'est commun de cacher les diagnostics assez lourds aux personnes. Pour pas, parce que justement, c'est une croyance, en même temps c'est un peu vrai aussi, je pense, que si tu sais que t'es malade, et ben du coup ça va faire qu'empirer la chose, et voilà. Et d'ailleurs, on en reparlera du carton à la fin du film, parce que oui, on va spoiler évidemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Amaury? Bah beaucoup de bien, c'est ça a marché complètement sur moi. C'est un film qui utilise les règles très classiques du mélo, mais au sens le plus salvateur du terme, j'ai l'impression. Parce que vous rigoliez tout à l'heure en disant on a chialé, Je ou je me rigolais suis pas. bidonné, mais c'est vrai, J'ai vraiment pleuré. c'est un film qui varie les tons de manière très subtile. Comédie dramatique, voilà, tout simplement. C'est parce que cette grand-mère, bizarrement, c'est celle qui a le plus de vitalité, en fait, parmi tous les personnages. C'est elle qui a le plus de joie de vivre. Et elle est vraiment attachante comme tout, quoi. Mais oui, Nai elle est Nai, adorable. on a vraiment envie. On comprend pourquoi tout le monde se réunit autour Ouais. d'elle. Et moi, ce qui me fait rire aussi, c'est qu'on. Enfin, ce qui me fait rire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on interdit au début à Awkwafina, je sais plus son nom, ouais, Billy, Billy. on lui interdit de venir en Chine parce que on la connaît trop émotive et du coup, on n'a pas envie qu'elle affiche trop ses émotions Que en du coup elle Chine nique devant tout. tout le monde et qu'elle nique tout le mensonge. Par ailleurs, sur cette histoire du mensonge, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y a une ambiguïté sur Nai Nai. On est en droit de se demander si elle est au courant de tout ce qui se passe ou Ouais. pas, et est-ce qu'elle aussi elle le cache et pour passer un bon moment avec toute sa famille, voilà, elle accepte en fait que tout le monde lui mente et elle en retour, elle n'évoque pas le sujet, elle se laisse un peu porter par tout ça parce qu'elle aime être entourée et même si c'est un faux mariage, bah, c'est l'occasion de boire un coup et de faire la fête. Et en plus, faux mariage entre une Chinoise et un Japonais, l'inverse, un Ouais, Japonais l'inverse. Une et une japonaise et un Japonaise chinois. et un Chinois. Parce que c'est un film sur la différence des cultures sino-américaines et aussi Sino-japonaise, japonaises ouais. et À savoir chinoises. que le Japon et la Chine, ils auront quand même un passé Ouais, politique ouais, assez ouais, ouais. conflictuel, quoi. Et le film en joue. En fait, il y a des dialogues de sourds, en fait, parce qu'il y a des personnages qui parlent japonais et pas chinois et inversement. Et il y a un truc vraiment marrant dans ce décalage-là. Ouais, ils sont trop drôles, le couple Oui, du cousin et de la le japonaise, ils couple, on sont voit trop vraiment marrants. qu'ils n'avaient pas Ils prévu de se comprennent rien à marier. ce qui se passe Ils ne savent autour pas ce d'eux, qui et se c'est passe. trop marrant. Ils savent même pas ils sont vraiment faits l'un pour Ouais, l'autre, non, en mais fait. C'est ouais. ça qui est marrant. Et la fin, avec les gens qui se retrouvent ivres-morts est encore plus signifiante, quoi. Le mec est vraiment Ouais. au bout de sa vie à son propre mariage. Et on comprend pourquoi. Non, mais voilà, c'est un film qui est vraiment mignon comme tout. Et il faut pas se laisser impressionner par le côté chialade et tout. Il y a une douceur, en fait, Ouais. dans ce film. Il y a une légèreté, malgré tout, qui nous emporte, quoi. Mais c'est marrant que tu dises qu'on sache pas si la grand-mère elle le sache ou pas elle-même qu'elle soit malade, parce que nous on s'est dit en sortant du film qu'on pensait qu'à la fin elle le savait. Qu'il y a un moment où on s'est dit ah là elle le sait, enfin c'est elle le sait, qu'ils savent et elle dit rien. Mais on a vu un article juste après qui en fait elle le sait pas. Elle ne le savait pas jusqu'à ce que le film soit fait. Parce que c'est inspiré de la propre histoire de la réale, de sa propre grand-mère. Et en fait, quand elle a vu une critique du film, il me semble... Ouais, c'est ça. Quand elle a vu une critique du film, elle a appris qu'elle était malade en voyant cette critique. Et parce que... Attention, spoiler alerte. À la fin du film, on voit une vidéo de la vraie grand-mère qui danse ou qui fait du tai chi. Qui fait ha. Comme dans, elle fait tout le monde du film. Et il y a écrit que 7 ans après son diagnostic, il me semble que c'est 7 ans, elle est toujours en vie et elle va toujours bien et tout. Et parce qu'en fait, elle ne le savait toujours pas et elle l'a su maintenant. C'est adorable hein, d'ailleurs comme fin. Moi, ça m'a fait un bien fou. C'est... La fin, elle est hyper poignante. Et après, tu vois ce carton et cette image d'archive et tu sens que dis donc, on est content pour elle. Enfin, elle est vraiment adorable. Et de la voir en vrai, exactement comme celle qu'on a vue dans le film, quoi. C'est la même énergie, la même mignonitude, et... c'est génial. Hein. Et toi, Victor, tout pareil ? Bah, tout pareil, j'ajouterais à ça que moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de drame, c'est quand la mise en scène n'en fait pas trop. Ouais. Et là, en fait, ça repose juste sur un dispositif très simple, que je trouve vraiment très classe, c'est... Il y a un jeu en fait entre les personnages, les acteurs en fait qui expriment une émotivité forte et un peu très renfermée en fait. Tu vois, ils jouent le jeu, mais tu vois leurs expressions, ouais, c'est ouais, ils sont tous anéantis par ça. Ils sont pourtant dans des décors que Lulu Wang va filmer de manière très simple, enfin voilà, c'est des plans rapprochés, c'est des plans d'ensemble, tout ça, mais qui sont toujours très artificiels en fait. Dès le premier plan, justement, on voit un espèce de papier peint, de peinture. De la peinture qui est à l'hôpital. Qui est à l'hôpital, ouais, qui est quelque chose... Qui représente un paysage enfantin. Paysage enfantin complètement fait, qui est... Et là, t'as la grand-mère qui est là et qui va connaître son... Enfin, elle va pas connaître, mais... sa sœur va apprendre son sort. Et le film va reposer sur ça, en fait. Et c'est très touchant. Et y a vraiment, ça ajoute une tension, en fait, au film qui fait où tu te dis jusqu'où... parce que non seulement c'est poignant, c'est touchant sur ce que ça dit sur la culture, sur les chocs des cultures... la famille, mais il y a une petite tension qui rend le tout en plus si captivant, si simple, mais en même temps tu dis mais est-ce que au bout d'un moment ça va éclater, est-ce que comment vont réagir encore une fois ces personnages tout du long, parce que c'est pas une chose simple, on n'est jamais uniforme par rapport à ça. C'est clair. Et il y a quelque chose d'autre que j'ai beaucoup aimé à ce film, c'est ça prend un revers. Énormément de films qui ont été faits, d'excellents films, hein, qui ont été faits sur le choc des cultures, mais c'est toujours un blanc un peu pété de thunes qui va voyager dans un pays et qui découvre un monde fou. Enfin, ils sont pas comme moi, dis donc. L'un de mes films préférés ever, c'est Lost in Translation, où c'est Bill Murray qui joue un acteur qui va au Japon, et il y a aussi ScarJo. Qui est japonaise d'ailleurs. Voilà. Et je vois pas où est le souci au final. Et en fait, c'est toujours un point de vue très aisé, très occidental. Alors que là, justement, il y a ce contraste-là en fait avec le personnage de Billy. Parce que la personnage principale, elle est deux cultures. Voilà. Et Lulu Wang, c'est pareil. Elle offre un regard qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant à connaître. Plutôt qu'une simple carte postale auquel gravite une histoire sentimentale. Là, non, c'est vraiment une histoire personnelle, sincère, et qu'elle filme, qu'elle fait passer en toute simplicité. Enfin, moi, j'en suis ressorti vraiment. On était ensemble hein, pour le voir, mais on a chialé, voilà. On a chialé. Écoutez, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de... Là, je vais rejoindre tes deux trucs. T'as la mise en scène et le truc du choc des cultures, parce que la réelle elle-même disait que... Elle savait déjà dès l'écriture que le film serait ultra lumineux, parce qu'en Chine, un truc culturel inscrit vraiment là-bas, c'est que plus t'es riche, plus la luminosité dans chez toi est forte. Et du coup, comme c'est des éclairages très artificiels, très néons et tout, c'est toujours super blanc, fluorescent, assez artificiel. Et du coup, elle a dit elle-même que, à l'inverse de l'Amérique où t'as tendance à, ou des films américains ou occidentaux où t'as tendance à, quand tu fais des films assez personnels, assez renfermés et tout, et on assez tamise, la famille, tu la tamises de ouf la lumière et ça fait un peu romantique, un peu intime et tout. Et ben du coup en Chine c'est un peu l'inverse, où dans les familles ou les institutions, peu importe, où tu veux montrer que t'as une certaine richesse, que ce soit une richesse argent, ou du coup là pour montrer peut-être la richesse familiale, j'en sais rien, j'extrapole un peu, et bah du coup ça va être ultra lumineux. Et c'est un truc que nous on n'a pas du tout, et que du coup on comprend peut-être pas. Et aussi pour revenir sur la chialade et la mise en scène, moi j'ai chialé juste sur un plan qui montre deux arches en métal. Voilà, c'est tout. Il est super beau, je trouve, ce plan. Et ce qui ressort, enfin, ce qui retranscrit, ce qui est arboré sous ma gueule. C'est l'architecte en toi qui a peut-être. Non, mais en fait, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça, avec son ancienne maison et tout, à la grand-mère, tout ça, là où elle a grandi, Billy et tout. Et tu sens que c'est la réelle qu'il a vécu. Et juste ce plan-là, bah, tu ressens presque tout ce que elle a pu ressentir quand elle voyait ça, en fait. Bah sinon moi mon avis c'est tout pareil. Il y a quelques je suis moins unanime, je le trouve pas parfait. Il y a quelques petites choses, j'ai l'impression que c'est un peu maladroit. Enfin je sais pas, il y a des plans que j'adore mais que je trouve qui la transition entre celui d'avant et celui d'après est un peu bizarre, comme par exemple les plans où toute la famille sort de l'hôpital, je sais plus d'où ils sortent, et que c'est un peu au ralenti et tout, je le trouve super beau, mais je le trouve un peu en mode il sort de nulle part. Et il y a plusieurs petits plans comme ça, plusieurs mini scènes vraiment. C'est un vraiment moment assez culminant quoi dans le scénario. Ouais, mais je sais pas, la scène d'avant, la scène d'après, elle. Et ça fait. Ça cut, je sais pas. Réservoir Dogs quoi. La musique, il est. Qui, ouais, ça c'est une musique vraiment culminante où ils sont tous unis par le mensonge en fait, et ouais, mais c'est comme une avant et après en fait. C'est un peu genre ouais, ça ça colle en pas. Fait à la fin on dirait qu'ils réalisent un coup parce ouais, qu'ils sont en train d'imprimer des faux documents et tout, et ils passent par toute une série de stratagèmes et tout, c'est hyper amusant comme moment. C'est super beau, mais ouais, il y a quelques petits trucs comme ça, je sais pas, on dirait qu'il manque quelque chose entre deux scènes des fois, mais bon, c'est vraiment du détail, je chipote pour essayer de trouver des trucs à dire. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur ce film, si ce n'est aller le voir, s'il est toujours à l'affiche? Ah oui. Est-ce que Awkwafina, elle aurait pas gagné un prix un pour Golden sa performance Globe. Qui est exceptionnelle. Dans une meilleure comédie et comédie musicale, parce que Awkwafina, alors c'est une comédie, c'est sûr, on se bidote, c'est une voix Adam Sandler. Et comédie musicale parce que c'est une rappeuse, donc on se dit, ah voilà, une chanteuse dans une comédie dramatique, mais c'est presque ça. Mais quand même prix mérité, parce que... Mais bah, c'est un peu une petite honte que le film n'ait rien eu aux nominations aux Oscars, hein, parce qu'on préfère, mettre des personnes comme Todd Phillips, des clowns, hein, parce que, ah, franchement, on vit dans une société de clowns, hein, et on préfère pas se réoccuper des grands-mères. Et j'adore le jus d'orange. Attends, quoi ? Il n'y a pas un numéro de ce podcast sans que vous... Non, mais c'est incroyable. Joker. J'ai rien raison, dit, moi, c'est lui qui le ramène tout le temps. Attends, mais... avant, c'était... J'ai hâte de comprendre le jus d'orange. Il y a un an, c'était Ready Player One. Voilà, c'est ça. Il y a un an, c'était Ready Player One. Maintenant, c'est Joker. Il faut un nouveau, hein. Il va falloir un nouveau, bientôt. Il faut comprendre la blague du jus d'orange. Oui, bah, t'es en retard. Ça fait longtemps qu'on l'a fait. Que je l'ai fait et que apparemment personne ne comprend. Mais de toute façon, oui, les nominations des Oscars, pas ouf. Hein, on en reparlera dans le rattrapage très certainement. Bah, ce qu'il faut dire, que c'est moi, j'aime bien la plupart des films qui sont nommés, mais c'est toujours un peu institutionnel de revoir les Tarantino, les Scorsese, les ouais, Sam Mendes face à des pas, quoi. Petits débutants et des petites débutantes comme Lulu Wang ou. Qui mérite. Ou des trucs plus risqués, plus rock'n'roll comme Midsommar ou mais Us, oui. Parce que oui. Get Out a eu quelques Oscars, un Oscar et plein de nominations. Je trouve la sélection des Oscars cette année un peu trop solennelle, quoi. C'est ça, c'est très. Voilà tous les plus grands réels de l'histoire, gnagnagna, et deux, tous trois autres mecs. Tous les plus grands, il y a tout Philippe, ça. Et deux, trois autres mecs, laisse-moi finir ma phrase. Et puis voilà, et puis vous, comme ça, ils n'ont pas à se faire chier à choisir un film, parce que peu importe ce qui sera choisi, il y aura plein de gens contents, et puis voilà quoi. Cela dit, on se réjouit pour Parasite qui va tout avoir. Oui, bah oui, Parasite, mais les Oscars ne méritent pas Parasite. Parasite mérite tout, mais les Oscars, voilà. Parasite qui a aussi gagné des choses. Mais oui, tout ça pour dire que Awkwafina a été récompensée pour cette performance qui et sort de sa zone de confort et qui est exceptionnelle. Il faudrait la récompenser pour avoir magnifiquement joué Danny DeVito dans Jumanji. Oh putain, oui. Ça, c'est sa deuxième meilleure performance de l'année, même de sa vie, parce qu'elle joue quand même... Mais en plus, elle est trop stylée dans ce film, mais elle joue quand même Danny DeVito. Enfin, The Rock en Danny DeVito, tu vois. Enfin, c'est complexe. Allez voir Jumanji. Next Level, c'est exceptionnel. J'adore ce film. J'ai hâte du 3. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, bah, du coup, sur la On est en train de manger en faisant ce podcast parce que c'est l'heure de l'apéro. Oui. Moi, je voudrais dire à quel point le quoi. Quoi Tu connaissais pas cette chanson Alors, ça va être hashtag, parce qu'on parle de souvenirs, souvenirs familiaux, oui. Avec l'adieu. Moi, quand j'allais en vacances au camping, il y avait toujours à 19h une chanson qui résonnait. Il y avait une sirène, non, c'est l'heure de l'apéro. C'est ça, c'est ça. Il y avait une chanson qui était « C'est l'heure de l'apéro, ta-na-na-na ». Putain, c'est comme l'alarme du premier mercredi du mois, tu sais, mais tous les jours. Voilà, mais je pensais que c'était plus connu que ça. Non, alors ça non, moi camping. J'ai fait beaucoup moins de camping que Victor, mais enfin bon, passons. C'est mon donc côté, oui, la nourriture dans le film, c'est de ça que tu voulais parler. Oh là là, ouais, il y a un certain nombre de plans de nourriture dans ce film qui sont assez remarquables. Vu que c'est familial, vu qu'on est en intérieur, vu qu'on est dans des salles à manger, en famille et bah, tout. Et puis c'est genre autour d'un mariage, tout ça, du coup il y a des on passe son temps à bruncher, à souper et à manger. Et alors on voit plein de mets chinois, mais qui te font saliver. Puis la grand-mère qui fait « mange et bien, oui, t'as en un plus, peu maigré, c'est une mange. Grand-mère, donc du coup elle nourrit, elle arrête pas d'inciter ses petits-enfants. Ça, voilà, c'est super, enfin c'est il y a presque un peu l'équivalent de la graine et le mulet, mais en Chine, quoi, tu vois, c'est... Toutes ces scènes de repas très complexes avec tous ces personnages et un découpage parfait où tu vois les réactions de chacun, les regards. Mmh. C'est une histoire de regard, en fait, les scènes de repas au cinéma. Moi, j'adore ça. Et du coup, là, j'étais servi. Enfin, les tables littéralement sont complètes de bouffe. C'est à en perdre la raison, quoi. moi, j'ai vu ce film à une heure où il fallait pas trop et je gargouillais, quoi. Mais oui, très beau. C'est aussi très ancré dans la culture, bah, dans plein de cultures, mais en l'occurrence dans la culture chinoise. Victor, rien d'autre à ajouter sur ce film ? Rien d'autre. Eh ben, allez voir L'Adieu si c'est toujours au cinéma quand cette émission sortira. L'Adieu, donc on l'a dit, c'est réalisé par Lulu Wang et c'est à la fois en anglais et en mandarin. Ça a été tourné à Changchun, qui est là où vit la vraie grand-mère de Lulu Wang, qui se situe au nord-est de la Chine, parce que la Chine, ça a plein d'endroits différents, ça a plein de cantons, ça a plein de trucs, et ça a aussi plein de cinémas différents. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Qu'est-ce que vous savez du cinéma chinois, des cinémas chinois, j'ai envie de dire. Amaury, qu'est-ce que tu sais du cinéma chinois ? Alors ça, c'est pas sympa. Parce que juste avant l'émission, il faut savoir qu'Amaury nous a dit qu'il avait jamais vu aucun film chinois. Je lui ai dit, même les films de Jackie Chan ? Non. Même les films avec Jean-Claude Van Damme de John Woo ? Non. Donc du coup, même Shaolin Soccer, il a pas vu. Ça, faut que tu y remédies très vite. Le Kung Fu, c'est super. Shaolin Soccer, c'est génial. Exactement, le Kung Fu, c'est super. Crazy Kung Fu aussi, il faut que tu le vois. Donc, qu'est-ce que tu sais du cinéma chinois ? Je vous déteste. Alors, je pensais que j'allais faire tout petit et que j'allais vous laisser... étaler votre science sur le cinéma chinois. Non, je n'ai jamais vu d'autres films chinois que celui-ci et Le Grand Voyage vers la Nuit. Eh ben, ça te permettra de rajouter plein de films à ta liste de films à voir. Victor, toi, qu'est-ce que tu sais du cinéma chinois ? Eh ben, vaste question, parce que le cinéma chinois est une... C'est un vaste sujet. Est un vaste sujet, bien sûr. Moi, pour histoire de parler de cinoche chinois, j'avais envie, je me suis dit... C'est dur à dire, ça, Cinoche chinois. Et ben pourquoi pas ne pas vous faire découvrir ce cinéma-là à travers plusieurs réalisateurs qui vont vous faire découvrir un panorama différent, un kaléidoscope offert par ma parent j'adore le mot kaleidoscope, pour sur un cinéma qu'on a tendance un peu à ignorer. Ouais. Mais... Et à ne... ou à ne pas connaître, justement. Non, ne pas connaître, justement. Je ne vois pas de qui vous parlez. On ne vise personne ici dans ce studio. On aime tout le monde. Bah oui, bien sûr, la bienveillance. 2020, l'année de la bienveillance. Ouais, sauf Todd Phillips. C'est bon. Putain, mais... Je peux essayer de parler de n'importe quoi, il va le ramener à ça, quoi. Alors, on va d'abord... À savoir, on dit le cinéma chinois, mais il y en a plusieurs, parce qu'il y a quatre industries du cinéma chinois avec quatre styles bien différents, à savoir le cinéma de la Chine continentale, le cinéma hongkongais qui est le plus connu en Occident je pense, et surtout en Amérique, le cinéma taïwanais et le cinéma de Singapour. Vas-y maintenant Victor, je te laisse parler. Ah bah alors on va faire une petite ordre chronologique déjà, enfin même pas ordre déchronologique, c'est l'inverse. Je vais vous parler de deux films qui sont sortis récemment en même temps que l'adieu, deux films chinois absolument remarquables. Que s'ils passent encore dans vos salles, n'hésitez pas, foncez. D'abord, il y a Le Lac aux Oies Sauvages de Jiao Yinan. C'est celui avec l'affiche super jolie, là, toute verte et toute avec rose. La petite cabane. Ah oui, non. Okay, ça, c'est le deuxième film. Oh. Alors, Le Lac aux Oies Sauvages, c'est les codes du film noir. Un bandit, une prostituée se rencontre au détour d'une gare. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se rencontrent ? Guerre de gang, fuite. Bas-fond de la Chine où tous les criminels se rendent pour vivre de manière chelou. Et c'est tout simplement une débauche d'effets visuels et d'effets de mise en scène absolument dingue. C'est le film pour vous montrer la vivacité de ce cinéma à proposer des plans différents, des choses qu'on ne verrait jamais tous les jours. Alors que c'est une intrigue complètement bateau et qu'on aurait déjà vu... 12 000 fois dans un film noir en fait. Et c'est quand même un film où tu contemples une gunfight qui se prépare méticuleusement au son de Rasputin de Boney M pendant que des gens dansent en chorégraphie avec des baskets fluo, des baskets tong comme dans Ma Famille d'abord. Des baskets tong. C'est qui le réal ou la réal de ce Jiao Yinan. C'est marrant parce que ça me rappelle beaucoup, cours d'histoire, ça me rappelle beaucoup le premier film d'un réalisateur de singapourien, de Eric Koh. Je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé, on va certainement massacrer beaucoup de noms, qui s'appelle Mi Pok Man, et qui est sur un mec qui tombe amoureux d'une travailleuse du sexe, justement. Et c'est le premier gros succès critique à l'international du cinéma singapourien. Ouais. Donc c'est peut-être aussi un film qui s'inspire de ça, je lance comme ça des... Moi des j'ai pensé billets. À M. Le Maudit, qui a rien à voir avec... Pourquoi pas Ensuite... Le deuxième film qui est sorti, tu as teasé avec l'affiche verte. Oui. L'affiche verte et la cabane, c'est Séjour dans les monts Fushun, oui. Qui est un film de 2h30 sur la vie de famille. C'est une fresque familiale où tu suis une vie d'une famille gigantesque. Le tout de façon très naturaliste, c'est-à-dire qu'on filme en énormément de plans séquences. Des plans séquences très contemplatives où tu suis juste les faits et gestes et les discussions normales d'une famille qui est en fait un peu comme dans l'adieu. Le point de départ du film, c'est qu'ils font une fête d'anniversaire pour la grand-mère et en fait la grand-mère elle tombe et après ça tu suis cette vie de la famille, comment ils vont gérer cet événement, mais pas que, en fait tu suis leur vie. Alors t'as Elle est morte ou non, elle est tombée, ils doivent s'occuper d'elle et tout ça. Mais tu suis un peu tout le monde en fait, tu suis une famille un peu pauvre, qui gère un resto, qui veulent marier sa fille avec le fils d'un riche homme d'affaires, mais elle va, la fille va sortir avec un prof. Tu suis le mec, c'est un peu le loubard de la famille. Blouson noir. Le loubard de la famille, mais qui a un enfant en fait trisomique et qui en fait des petites combines, tout ça, juste pour lui payer, pour lui payer des soins, pour lui payer tout ce plein de. Pour qu'il aille bien en fait. Et tu suis plein de trucs comme ça, et c'est très touchant, c'est passionnant à suivre. C'est fait avec un naturel que j'ai trouvé renversant. Il y a un plan séquence d'au moins 20 minutes absolument Oui. dingue qui implique natation, marche, discussion amoureuse, Je veux juste pour ce plan, je veux voir ce film. gens qui se baladent dans un parc, ça c'est trop beau. Donc pour montrer la vitalité d'un cinéma qu'on voit de plus en plus, ben, faut aller voir ces deux films. Qui est le ou la réal de ce film? Gu Xiaogang, si. Ah, je l'avais dans mes notes, mais en tout cas, ça me rappelle beaucoup le cinéma taïwanais, qui est un Ah. cinéma très nouvelle vague, Eh très on ben. filme des portraits de famille Eh ben réalistes, tout ça. voilà, parce que j'avais en tête un réalisateur aussi, Edward Yang, avec Oui, avec A Brighter Summer Day. exactement, tu m'ôtes les Je mots t'enlève les de mots la de la bouche, bouche, c'est beau qui ça. est un des précurseurs de la nouvelle vague taïwanaise, Et du oui, coup. et c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en plus. Je connais pas du tout, j'ai juste vu les bandes annonces en préparant cet épisode, mais ça m'a beaucoup donné envie Et ben c'est un de film qui foncer. dure 4 heures. Yes! C'est encore une fois une fresque. En gros, tu suis la vie d'enfants qui en fait sont à Taïwan parce que à cause de la politique chinoise qui a beaucoup effrayé une forte population, ben, en fait ils sont tous répartis vivre à Taïwan pour ben, tout simplement faire leur vie. Et tu suis dans les années 60, en fait, tu as beaucoup de gamins qui sont totalement en perte de repère parce que leurs parents ont les jetons. Et il y a une éducation trop autoritaire. Ouais. Donc, ils se réfugient dans des bandes, et des bandes qui se fightent sur la gueule. Et tu suis l'histoire de deux gamins qui mènent leur vie jusqu'à un événement tragique assez inattendu et qui, moi, m'a. Ouh, je vais pas spoiler parce que c'est Ouais. vraiment surprenant. Bah, c'est passionnant à suivre. C'est beaucoup du. C'est la vie, quoi. Enfin, voilà. Alors, vous parlez de Taïwan, mais du coup, on peut inclure Wuxia Aoxian. Oui, bah je Oui, l'ai dans mes bah notes. oui. Donc tu Troisième vois que film tu connais chinois, voilà, des films The chinois. Assassin. Bon, ça tombe mal, je l'ai Oui, pas aimé. me Mais. spoile pas pour que je le voie. Ah, Je vais c'est. aller voir. The Juste Assassin, pour c'est le plan de un. quand elle est en robe de mariée avec un gun, j'ai envie de voir. C'est bien The Assassin? Non, c'est pas The Assassin, c'est un autre film ça. Non. Autre film Il chinois n'y a dont pas j'ai de oublié le gun, nom. c'est les The sabres. Assassin, c'est. Ouais, dans la. Ouais, je Alors, vois. c'est un contexte politique complètement incompréhensible dans lequel un personnage, une tueuse, va devoir assassiner un homme qu'elle aime et oh, elle va se retrouver face à Il avait ses. pas gagné des prix Prix de la mise en scène. Ouais, prix de la mise Avait en été scène à nommé Cannes et on comprend pourquoi. Enfin, c'est vraiment Ouais. une merveille Grand cinéma. visuelle avec Et un travail de la House. photographie et des fumées qui est incroyable. House Ocean qui a aussi filmé des choses de manière très contemplative avec une photographie très tamisée. Il a fait Millennium Mambo. Ah, qui a l'air très bien. Qui Ah, c'est lui qui a fait est une ça. petite balade nocturne plutôt très atmosphérique en fait. Et c'est aussi ça beaucoup que j'aime dans le cinéma chinois, ce côté cinéma de l'atmosphère en fait. Enfin, Mori a mentionné Un grand voyage vers la nuit. Et ça aussi c'est quelque chose que j'adore moi à voir au cinéma. C'est vraiment être emmené dans une atmosphère en fait, peu importe ce que le film va raconter de pertinent ou Oui, pas. Et pas. vraiment, peu importe la pertinence. Ça, c'est le cas de le dire avec un film Mais comme Le Long tu vois Voyage vers la nuit. le lac aux oies sauvages, en fait, c'est un peu pareil, en fait. Oui. C'est le lac aux oies sauvages, le scénario, il est un peu tout bête, en fait. Ça te montre les bas-fonds de la Chine, tout ça, c'est très assez intéressant. Mais c'est vraiment quelque chose de sidérant dans la manière de mettre en scène. Il y a des plans qui te frappent les yeux. Ça fait mal. Dans Un grand voyage vers la nuit, ben c'est pareil en fait. T'es vraiment en balade complètement. Bah, c'est C'est pareil, mais un tu grand parles de voyage. quoi? Tu parles de la première partie ou de la deuxième partie en Ben des conséquence? deux, moi les deux m'ont embarqué. Parce que moi, pour le coup, j'ai vu deux films hein, ce soir-là. Le premier, Ben littéral. c'était un montage éclaté avec dans le désordre, avec aucun repère en fait. Clairement, il n'y a aucun repère dans ce montage éclaté. On ne comprend rien à ce qui se passe. Il y a plein de personnages, on ne comprend pas ce qu'ils font. Ils mangent des pommes en plan séquence pendant 5 minutes. Hein, une fois qu'on a bien compris qu'il allait manger la pomme, et ben en entier, et ben on voit le Même le plan trognon? en entier. Mais ouais, mais même le trognon, Avec les c'est pépins et tout. bon après Attention le. à un arbre qui va pousser dans son ventre. Mais ouais, du coup voilà, on est un Trop peu, l'héritage. je me suis un peu Putain. traîné de scène en scène sans savoir comment les relier et j'avais pas vraiment, j'avais l'impression d'avoir 15 trains de retard dans l'histoire et d'un coup On nous dit mettez vos lunettes 3D parce que le film est en 3D. Oui, mais c'est ça. Quand Victor m'a dit ça, j'ai dit je veux voir ce film. Ah non, mais on, j'avais pas vu ça depuis Spy Kids 3D. Hein. Ah bah, non, c'est même pas ça. Ça s'inspire des meilleurs. Non, c'est même pas ça. C'est qu'au début du film, t'as un carton qui te dit le film n'est pas intégralement en 3D quand le personnage principal l'aimait. Et ben mettez les et en fait le truc c'est que à moi le personnage attend quelqu'un et on lui dit ben va dans ce cinéma porno chelou qui est dans le coin. Du porno en 3D, ouais, je crois que c'est ça, il me semble qu'il y a eu Love, hein. Mais c'est bon, vegan. Et en fait le personnage y va et tu vois les gens dans la salle qui mettent les lunettes 3D et c'est un peu le moment où dans la salle du Métropole tout le monde dit Michel, ah oui, réveille-toi, sors les lunettes. Parce que tout le monde pionçait à ce moment et on entendait les gens se réveiller entre eux, dire réveille-toi, il faut mettre les lunettes et tout, dont moi, parce que j'avais. Et après t'as le titre du film qui apparaît, un grand voyage vers la nuit et tout, et là t'as un plan séquence d'une heure. Enfin, inouï. Voilà, un plan séquence inouï. Le problème c'est que je savais pas à quoi il servait, quoi. Enfin, je me disais waouh, qu'est-ce qu'il est fort Bigan, quelle ambiance, hein. Quoi. Alors c'est l'histoire d'un gars qui va un ciné porno et il met une lunette 3D. En plus, ouais, si on parle de porno, c'est clairement Bigard. D'ailleurs, je vous invite le florilège de Bigard sur YouTube. Non mais voilà, il y avait une ambiance géniale, le travail de la lumière, le travail de l'obscurité, la musique. Il y a même une chanson de Venga Boys, hein, n'est-ce pas, Jade, dans le film. Et voilà un personnage qui a la classe, sauf que je n'avais vraiment aucun repère dans le film, comme dans le film d'Oussia Ossienne dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment dommage, quoi, parce que c'est vraiment un travail technique que j'ai kiffé, mais dans lequel je me suis tellement pas senti impliqué que ça m'a empêché de totalement apprécier ces films-là. Pour revenir à... J'ai très envie de voir Le Grand Voyage vers la Nuit, c'est ça le titre? Oui. Bigan, il n'a pas fait beaucoup de films en plus, j'ai l'impression. Il a fait Cali Blues il y a quelques années. Ah oui, j'avais trop envie de le voir aussi. Mais je l'ai pas vu. Ben voilà, ça me fait déjà deux films à rajouter à ma liste. Pour revenir à Oussia Ossienne, qui est avec Edward Yang, un des précurseurs de la nouvelle vague taïwanaise, le film qui a... Un des deux films qui a réellement commencé cette... ce mouvement cinématographique est un film qui s'appelle The Sandwich Man, qui a été co-réalisé par Oussia Ossienne. Du coup, moi, j'ai rien que le titre, ça me donne envie de le voir. Victor, tu parlais de deux films qui étaient à l'affiche chinois. Est-ce que tu pourrais continuer ton petit kaléidoscope? Bah oui, parce que le cinéma, le cinoche chinois, c'est aussi toujours des phrases de plus en plus compliquées. Le cinoche. Le cinoche chinois. Ça passe mieux à l'écrit. Baisse de rythme, allez vite. Mais il y a un cinéma aussi assez génial, toujours dans l'idée des fresques et tout ça, qui est le cinéma de Xia Zhangke, qui est un cinéaste social ultra vénère contre la politique de son pays, même s'il y participe, il a commencé un peu à s'intégrer, à rentrer dans la vie politique de son pays. Mais c'est un cinéaste qui filme les... Il faut aussi avoir en tête que le cinéma chinois observe beaucoup les mutations de son pays, les mutations politiques, les mutations socio-économiques. Ouais. Et Xia Zhangke, c'est quelqu'un qui va te filmer et qui va te raconter ça de façon ultra vénère en utilisant les codes du cinéma de genre. Ouais. Enfin, tout en restant dans un côté très drame. Mais moi, s'il y a un film, c'est le premier film que j'ai vu de lui... Et je me suis pris une belle baffe. C'est A Touch of Sin, où en fait c'est plusieurs histoires en fait qui s'entremêlent. C'est un peu un film à sketch. C'est un peu un espèce de film à sketch. C'est un peu comme Selfie. C'est un peu comme Selfie, lol. Toujours dans l'actu cette émission. Toujours dans l'actu. Et en fait c'est. Selfie, ce serait pas ton nouveau Joker, dis donc. Non, c'est non. Parce que la société, les téléphones, vos Snapchat à la con, là, merci bien. Hein. Et TikTok. Et vous faites des petites danses sur TikTok. Bref, pardon, j'ai pas vu. Forchan sur Forchan et sur Fortnite aussi. Oui, bah oui, tout l'effort. Mais alors. Xia Zhangke, film masquette, Touch of Sin. Et en fait, c'est plusieurs histoires de gens en fait qui ont des d'immenses galères en fait. Et tu suis en fait ce qui se passe et ça se fait de manière ultra, ultra vénère, ultra violente, hein, Bon, c'est parce pas des que. sketchs alors, qu'est-ce que tu racontes? Bah, film à sketch, des histoires. Oui. Bah, tant tu pensais à sketch façon bigard, c'est l'histoire d'un mec. Non! Non, mais façon comédie italienne, tu vois. Bah, en Non, soi, c'est c'est ça, plusieurs petites pastilles en c'est gros. plusieurs Ouais. petites pastilles qui Qui sont se liées regroupent? plus ou moins. Et par exemple, le film commence, c'est un mec. Il en a ras le cul en fait que de bosser comme un chien parce que son patron qui va se faire de l'oseille ne veut toujours pas leur payer ses employés en fait et lui donner un remboursement, une cotisation qu'il a besoin. Et résultat, ben, ni plus ni moins, le mec va finir par shooter tout le monde. Yes. Et c'est filmé comme un film de genre. Il y a aussi l'histoire de d'une femme en fait qui. Voilà, elle se fait bolosser par des riches hommes d'affaires. Elle décide d'un seul coup de prendre un couteau façon. Bah, c'est vraiment filmé comme si c'était Lady Snowblood ou quoi. Elle prend un couteau, elle fait. Et elle va les tuer. Tu vas suivre comment elle va. Ça a l'air cool. J'avais envie Et. d'y Si voir. vous aviez la gestuelle, hein, le Ah oui, bah podcast, on a les malheureusement, c'est gestes. seulement audio, mais. C'est On n'est pas sur son France lumière Inter, ici. Hein. hein. C'est son lumière. À savoir que tu parlais de. Comment dire, des bails politiques qu'il y a eu en Chine et tout, il y en a eu beaucoup. Et il y a eu surtout concernant le cinéma précisément et l'art en général, mais le cinéma aussi surtout. Il y a eu beaucoup de censure et ça a été beaucoup utilisé pour de la propagande aussi. Et pendant longtemps, et selon Jianzhang lui-même, c'est en 2003, ou en tout cas les années 2000, que le cinéma chinois s'est vraiment libéré de tout ça, et que cet art qui était auparavant, je cite, considéré comme un outil de propagande idéologique primordial du gouvernement, est devenu une industrie qui peut de plus en plus négocier, entre guillemets, avec la censure. Donc lui, il s'inscrit clairement dans ça, enfin en tout cas, de ce que tu nous dis, son cinéma s'inscrit clairement dans ça, dans un truc de... Bah, la censure, nique-toi, quoi. Et Victor est sur son téléphone. Non, parce que tu vois, Quel sale gosse. Non, non, tu vas finir dans Selfie, toi aussi, hein, dans un sketch avec Blanche Gardin. Oh, super. Et j'ai encore. Ben, tu parlais de cinéma, de propagande et tout ça, mais en fait, il existe encore. Et il se fait dans les grosses productions, des gros blockbusters. Ah oui, Parce tout ce que que j'aime. quand on regarde alors des films très rigolos à voir pour leur surenchère et leur débauche Bigger Van Life, hein, c'est pire que les Américains à ce niveau-là. Mais il faut regarder Wandering Earth, et, qui est un des plus gros J'ai pas vu. succès du cinéma chinois récent. Et. Alors pardon, mais le plus gros succès, enfin un des plus gros succès de 2019 du cinéma chinois s'appelle Peppa fête le nouvel an chinois. Donc Sérieux? oui, Quoi? c'est une coprode anglaise et chinoise, c'est un court-métrage de Peppa Pig qui est Mais non. absolument excellent. Sinon, un des vrais, vraiment pour du vrai, un film qui a été au box-office, genre dans le top 10 du box-office chinois, est un film qui s'appelle Crazy Alien. Et j'ai vu la bande-annonce et c'est Alien tampon, mais avec beaucoup plus de budget et ça a l'air juste incroyable. Donc je vous invite à aller voir cette bande-annonce. Pardon, je t'ai coupé, Victor. Mais tu vois des films comme Wandering Earth où il y en a un qu'on a vu, mais je n'ai plus le titre en tête et ça m'énerve. Mais c'était un film avec Franck Griot, une J'ai cru coproduction. que j'allais dire Franck Dubosc. J'allais dire putain, Bigard Un Dubosc, film oui. chinois complètement patriotique, ultra violent aussi. Tu dis waouh, c'est quoi ces effets? Ces effets de ultra gore quoi dans un film grand public. Et oui, je cherche le titre là, c'est pour ça que je suis sur Cherche mon. le titre, je vais meubler. Qu'est-ce qu'on peut On a dire en attendant? parlé jusqu'ici grâce au kaléidoscope de Victor qui commence à se dessiner et qui se termine bientôt. Wolf Warrior 2, pardon, Oh putain, excuse-moi. j'adore ce titre. Voilà. Le 2 en plus, ça veut Il y dire en qu'il y a déjà a un 1 et un. qu'il y aura potentiellement un 3. C'est exceptionnel. C'est Mais. exceptionnel. Moi, je veux voir ce film, je vais le noter à l'instant, tout de suite. Wolf Warrior 2. Mais tu vois ces films, tu dis waouh, on n'est pas loin, on est vraiment fort dans le patriotisme. Surtout que t'as un carton à la fin du. Alors, je dis que ce film a été approuvé. Par le gouvernement chinois, C'est un peu ça, hein. sérieux. Et. Ceux qui ont fourni les FX, ils nous ont donné le loup même. Eh oui, ils nous ont donné le loup. Et j'avais enfin toujours resté dans la péloche de cinéma d'action. Oui, avec deux cinéastes importants, John Woo, Tsui Hark. Ouais. John... C'est ce que j'allais dire juste avant que tu cries Wolf Warrior 2. Pardon. C'est que on a parlé déjà du cinéma de Singapour, du cinéma taïwanais, du cinéma de Chine continentale, et il nous reste le cinéma hongkongais, dont ces deux réals sont les deux plus grands, en tout cas en ce qui concerne le cinéma d'action. Donc John Woo et Tsui Hark. John Woo et Tsui Hark, parce qu'ils ont complètement ils ont inventé quelque chose dans le cinéma d'action qui est c'est vraiment du cinéma où la caméra va à 200 à l'heure et elle rend le cinéma d'action comme une forme d'abstraction en fait, c'est-à-dire qu'il y a 12 000 mouvements de caméra complètement plus tarés les uns que les autres. Là il y a quelques jours ça tombe à pic, mais j'ai découvert Time and Tide de Tsui Hark. Et c'est une histoire qui est complètement éclatée dans la narration, mais qui, petit à petit, en fait, tu te rends compte que c'est pas ça le plus important. L'important, c'est des scènes d'action qui sont ultra charmées, ultra spectaculaires, où ça bastonne à tout va, où ça... c'est la castagne pure, avec 12 000 idées de caméra, la caméra qui va... faut voir le truc, quoi. Michael Bay, c'est un petit joueur à côté, mais si on adore Michael Bay... À savoir que le cinéma hongkongais et surtout le cinéma d'action hongkongais, c'est un peu le cinéma chinois qui a vraiment eu un impact en Amérique. Totalement. Qui influence le cinéma américain d'action tout en s'inspirant. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Jusqu'à Mission Impossible 2 qui a été réalisé par John Woo. Et John Woo. Ce qui est intéressant, c'est que le cinéma hongkongais influence beaucoup le cinéma d'action américain après qu'il soit implanté là-bas, alors que lui-même s'inspire beaucoup du cinéma américain, notamment dans le rythme, dans le montage, dans les explosions partout, et des explosions. Et Jean-Claude Van Damme, évidemment, parce qu'il faut en parler, Tsui Hark qui a quand même fait... C'est Tsui Hark qui a fait Piège à Hong Kong ? Oui, avec Rob Schneider. Avec Jean-Claude Van Damme, j'adore ce film. Alors c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un nanar et tout... Je conçois. Mais avec JCVD, c'est métaphysique. Comme oui, peut-être, oui aussi. Mais vraiment, dans le propos du film, c'est super intéressant. Mais bon, on y reviendra peut-être, qu'on fera un chess un jour sur ce film. Donc tu disais, pardon Victor, j'arrête pas de te couper. En fait, à chaque podcast de Salle 5, à chaque fois, t'as une nouvelle idée de hors-série. Mais oui, je peux rien. Du coup, j'ai envie de te parler de tout. Et John Woo, qui lui aussi fait des films cultes, hein, The Killer, Le Syndicat du Crime, c'est vachement génial. Ouais, très mafia, film de triade, quoi. Film de triade, ouais. Des films, c'est beau, c'est... Ouais. Enfin, j'étais comme un gosse devant le final de The Killer, où deux personnages qu'on croyait ne jamais s'entendre à la fin s'unissent pour un film sublime, gunfight avec des colombes qui s'envolent. Et c'est génial. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur le cinéma chinois. Et Wong Kar Wai. Y venir, Amoury, parce que mes notes ne sont pas terminées. On a parlé de films d'action, on a parlé de films de triade, et on n'a pas parlé de films de... Films de Kung Fu, tout simplement, avec notre cher, le seul, l'unique, le grand Jackie Chan. Oui. Qui est une grande figure du cinéma hongkongais et qui a été en tête du box-office pendant 20 ans. Incroyable d'affilée. Dessin animé d'ailleurs. Je n'ai pas fini avec sa nièce qui s'appelait Jade. Voilà. Donc c'était toute ma vie, le sang de la veine. Il y a aussi les films de comédie avec notamment Shaolin Soccer qui a été réalisé par... Stephen Chow qui a réalisé en deux le plus gros succès du cinéma chinois de 2016 qui s'appelle The Mermaid, et ça a l'air trop drôle, j'ai trop envie de le voir. Ça raconte l'histoire de genre de mecs entrepreneurs qui veulent construire un endroit où il y a des sirènes, et du coup les sirènes vont aller buter ces mecs, et du coup ça parle d'écologie tout en faisant des blagues un peu nulles à la qui a tué un pilote et la panthère rose, c'est exceptionnel, et forcément la Shaolin Soccer avec des ballons qui volent dans les airs, et aussi un dernier genre de film hongkongais, c'est le Wuxiapan, qui est en gros le film de KPDP chinois, avec notamment un film dont The Assassin fait partie, on en parlait tout à l'heure. Dont The Assassin fait partie, et avec un film culte de Choyard qui est The Blade. Je sais pas si vous l'avez vu, Amaury, je suppose que non. Bah non. Victor, je ne sais pas si tu l'as vu, The Blade, mais qui est très très bien. Avec Wesley Snipes, et qui va être rebooté dans pas longtemps, attention, avec peut-être Mahershala Ali. Pas du tout. Mais surtout, oui, c'est un cinéma qui est très beaucoup d'action, très, très sensationnel. Mais à part ça, au-delà de ça, il y a aussi, comme dans le cinéma taïwanais ou singapourien ou de Chine, ou même le cinéma français, il va aussi avoir une petite nouvelle vague. Et la nouvelle vague hongkongaise, elle consiste en quoi ? Elle consiste en tout plein de choses, en des drames, des mélodrames, notamment par Anne Hui, qui est une des précurseuses de cette nouvelle vague, avec Choi Ark, avec John Woo, mais surtout, et aussi avec Wong Kar-wai, qui fait des films que tout bonnement m'ont donné envie de faire du cinéma, parce que tellement ils sont beaux autant dans le fond que dans la forme. Et Amaury, est-ce que tu aurais vu des films de Wong Kar-wai par hasard? Non, j'ai toujours voulu les voir parce que j'en ai vu des bouts et c'est incroyable visuellement. C'est beau, et c'est si beau. Voilà, peut-être qu'un jour je tomberai sur un Blu-ray et là je vois le tote bag de Jade Wong Kar-wai. In the Mood for Love. Et ouais, là, Prix Lumière 2017 à Lyon. Là j'avais déjà envie de voir du Wong Kar-wai avant ce podcast. Maintenant vous m'avez donné envie de voir Choi Ark. Et je suis curieux de voir Millennium Mambo aussi. Voilà, rien parenthèse. Que le titre. Ouais. Là, j'ai Mambo Number 5. Et il y a Shuki, non ? Dans Millennium Mambo ? Peut-être. Je ne sais absolument pas. Enfin, bref, magnifique actrice, quoi. Bah oui. De toute façon, voilà. Et on parlait de l'influence que le cinéma hongkongais a eu sur les films d'action hollywoodiens, mais un exemple probant dont on n'a même pas parlé, c'est Les Combats de Matrix. Qui sont inspirés et qui, au-delà de ça, ont été chorégraphiés par une personne chinoise qui s'appelle Yuan Wuping, que je ne connais pas, qui est certainement un ou une chorégraphe de renom en Chine, mais que je ne connais pas. Désolée. Sinon, dans les blockbusters chinois qu'on connaît beaucoup en Occident, on va retrouver Détective D. Qui sont à peu près au 35e je pense maintenant tellement il y en a. Ip Man aussi, ma vie Ip Man, je crois qu'il y en a 4 ou 5, je crois que j'ai vu que les deux premiers, c'est trop bien Ip Man. Et aussi l'arrivée de certains réalisateurs hongkongais en Amérique qui vont notamment faire un certain Mission Impossible 2, Paycheck, les vrais sorciers, ouais. Voilà. Mais très bon film, très bon Mission Impossible. Et on va aussi avoir, notamment, on en a parlé tout à l'heure, Jackie Chan, des acteurs et des actrices chinois qui vont percer, entre guillemets, en Amérique avec Rush Hour, le grand. Rush Hour 3 à Paris. Ah bah du coup, il perce en France maintenant, Jackie Chan, il perce partout. Jackie Chan d'ailleurs qui va, il me semble, ça a été annoncé cette semaine, qui va faire la voix d'un personnage dans un film d'animation qui va arriver incessamment sous peu, avec Constance Wu aussi dedans, qui s'appelle Quelque chose et le dragon. Voilà. D'ailleurs, en parlant de dragon, on n'a même pas parlé de tigre et dragon. Attends, c'est ça va vraiment s'appeler Quelque chose et le dragon. Non, c'est moi qui ai oublié. Voilà, okay. Mais en vrai, très bon titre. On n'a même pas parlé de Tigre et dragon, qui est un très grand film du cinéma chinois, donc film de Ang Lee. Qui lui aussi est parti aux Amériques après faire des films. Pour révolutionner le cinéma, bien sûr. Bah, évidemment. Gemini Man. Voilà. Que je n'ai pas vu, mais une révolution. Une révolution du 21e siècle. Mais exactement. En 1999, au 20e siècle, Ang Lee sort Tigre et Dragon. Que j'ai pas vu. Il faut le voir, il est tellement bien. Je vous invite tous les deux à voir ce film, et vous qui écoutez ce podcast, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il y a eu une suite il y a quelques années. Enfin, je sais pas si c'est une suite ou si c'est dans le même univers, mais un film sur Netflix. Je crois réalisé par Ang Lee, mais je suis même pas sûre. Moi, j'ai le jeu. Je me souviens du jeu sur Wii. Il y avait un jeu sur Wii. Non, Tigre et Dragon. J'espère que vous mettez bien, que tu mettais bien Star Dragon quand tu joues à Wii Bowling. Hein. C'était la dernière. Parce qu'il y avait beaucoup d'écrans de télé cachés. Ah bah... C'était la dernière émission de Victor Van de Kotz. Ils signent à sa fin de contrat. Non, mais Tigre et Dragon qui remporte un énorme succès en Occident, qui est un film réalisé par Ang Lee qui est taïwanais, mais dont le cast provient de partout. Donc il y a un acteur hongkongais, une actrice. Ou un acteur de Chine continentale et un acteur taïwanais, donc ça regroupe toute la Chine et c'est un peu un des films en tout cas qui va vraiment faire exploser le cinéma chinois et surtout le cinéma de comment dire, de kung-fu un peu, enfin de sabre et de combat de cap et d'épée chinois en Occident, qui va être suivi à peu près au même moment par un autre film qui s'appelle Le secret des poignards volants, que je n'ai pas vu mais qui a l'air très très beau. Qui a aussi nombre de vedettes du cinéma chinois dedans. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le cinéma chinois, sur un film, un acteur, une actrice, un réal, une réalisatrice que vous aimez particulièrement? Ben, Shuki, Gong Li, parce que Miami Vice. Ouais, Gong Li aussi. Ah, oh là, Miami oui. Vice, ouais. Plus beau, c'est pas un film chinois, mais plus beau film de tous les temps. Bah, il y a un acteur chinois dedans, donc ça passe. Moi, un film que je n'ai toujours pas vu, mais j'ai le DVD sur mon étagère depuis très longtemps, qui me donne très envie, c'est un film taïwano-hongkongais de Yung Ching Chan, qui est sorti en 75 et en 77 en France, qui s'appelle L'héroïne du Kung-Fu. Ouais. Alors, je vous lis juste la description Wikipédia, parce qu'elle est exceptionnelle, c'est un gros troll qui a dû écrire ça. Il met en vedette l'actrice Shang Quan Ling Feng, qui s'appuie ici sur un jeu impressionnant par l'utilisation de mou et de roulements d'yeux pour interpréter l'héroïne. Je suppose que c'est du second degré. Et l'histoire, je vous la lis parce qu'elle est tout bonnement fantastique. Un avocat et son ami Monsieur Lu, un professeur de karaté fiancé à une harpie, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les femmes qui a écrit ce synopsis, mène l'enquête pour retrouver la fille de leur patron, dont il a été séparé alors qu'elle était en bas âge, probablement à la suite de troubles provoqués par la prise du pouvoir par les bandits communistes en Chine continentale. Beaucoup d'informations, ça rappelle beaucoup Double Impact. Avec Jean-Claude Van Damme encore une fois. C'est sûr, il y a son frère. Oui, où il y a son frère jumeau, il y en a un qui est élevé en, je crois d'ailleurs c'est en Chine, et un en Amérique ou en Belgique ou je sais pas où il trouve une excuse pour son accent comme d'hab. Pendant ce temps, la jeune orpheline Jiaolin et ses frères et sœurs sombrent peu à peu dans la petite délinquance, malgré les admonestations de leur père adoptif, ce qui les conduit à entrer en contact avec un gang de petits malfrats de faible envergure, dirigé par une vénéneuse jeune femme. Donc voilà, si ça vous a pas donné envie de regarder L'héroïne du Kung Fu, je sais pas ce qu'il vous faut. On dirait presque un résumé de reportage enquête exclusive. C'est trop ça. Mais ça se trouve le film est comme ça, mais en tout cas la jaquette donne très envie. C'est une jeune femme qui fait un high kick à la Jean-Claude Van Damme. Il y a eu tout bonnement une explosion à l'extérieur du studio. On est c'est jeudi, il y a certainement une manif. Ben voilà, je pense qu'on a fait un joli petit tour du cinéma chinois. Bon, évidemment, on n'est pas en CM à la fac, donc on n'a pas toute l'histoire du cinéma chinois. On n'aurait pas le temps ni les compétences malgré les quelques recherches qu'on a fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'adieu ou sur le cinéma chinois? Les cinémas chinois même? Non. Non. Non. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Je suis le moins légitime à ajouter quelque chose sur ce cinéma, donc j'ai vu trois films. Est-ce que tu as vu Crazy Rich Asians? Non. Moi je l'ai vu. Voilà, tu as vu un film chinois en plus qui est un des rares films à se passer à Singapour. D'accord. Avec des acteurs et des actrices singapouriennes. Est-ce que tu as vu Shirkers? Ah, mais oui, je me souviens de la bande-annonce de celui-là. De quoi? De Shirkers? Non, de Crazy Rich. Rich. C'est avec Constance Wu, ouais. Et Henry Gold. Il y a Victor qui souffle. T'as pas aimé ce film? Tu souffles pour autre chose? Est-ce que tu as vu Shirkers, Amaury? Docu de Sandy Tan qui se passe aussi à Singapour. Et ça, c'est trop bien, par et contre. Et ça, c'est vraiment... j'ai pas vu Crazy Rich. J'ai mal compris, excuse-moi. Mais qui est vraiment, vraiment, vraiment très bien et qui a remporté la meilleure réale au Sundance en 2018. Donc voilà, des films récents chinois qui font leur petite vague. Est-ce que vous recommandez L'adieu, The Farewell, Ne lui dites pas, bien de Lulu Wang? Oui, bien sûr. Et s'il n'est plus au cinéma, ben débrouillez-vous, mais allez le voir tout de même, parce que c'est très très bien. Eh bien, merci. Merci à toi, Jade. C'était une très belle émission de début d'année. Enfin, la première émission de 2020. J'étais ravie de la faire avec vous. Ça m'a fait... Vous m'aviez manqué, ça faisait longtemps. Oh, tu nous as manqué aussi, Jade. On vous invite à nous suivre, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @S5P42, à nous laisser... une note sympa sur Apple Podcasts et sur les autres applis de podcast, un petit 5 étoiles, ça ferait plaisir. Vous pouvez nous envoyer un message, nous proposer un film, un sujet, je sais pas si ça vous dit. Faites-nous des reproches aussi. Oui, envoyez-nous des critiques parce qu'on que se batte un vive peu. Le débat. Oui, d'ailleurs. Vive le débat. N'oubliez jamais que vive le débat et abat la censure, comme a pu nous le prouver le cinéma, les cinémas chinois. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode, peut-être un prochain HS, à la fin du mois, pour un gros rattrapage où on rattrapera tout le mois de janvier et un peu du mois de décembre. Parce qu'il n'y a pas eu grand chose au mois de décembre, mais il y a quand même eu quelques petites choses sur Malik. Lesquelles j'aimerais bien revenir. Pardon, j'ai en une petite pulsion. Malik, il faut que ça ouais, sorte. Malik Bensalé, il va doubler Sonic en plus. Voilà. C'est ça la vraie news. L'info toujours au top sur l'actu. Et ben on vous dit au revoir et des bisous. Salut. Et bonne année, la bonne santé, l'amour, la réussite. On vous aime. À bientôt, des bisous. À une prochaine fois. Au revoir. Ciao. Au revoir. Io mi domando cosa valgo senza te, perché vivo, per chi, ma per chi il cuore batterà nel buio, per chi io vivrò. Le foglie di quel prato è rimasto nei tuoi grandi occhi blu. Ritorna presto, amica mia, se manchi tu, perché s'amuse. C'est dingue comment ça change une chanson, le saxophone.